الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Al-Hayy al-Qayyum, le vivant qui veille éternellement à la bonne marche de toute chose. Al-Ladhi la ta'khuduhu sinatun wa la nawm, qui ne subit ni somnolence ni sommeil. Yuraqibu man fil ardi wa samawat, il surveille tous ceux qui se trouvent sur la terre ou dans les cieux. يرى في كل لحظة جميع المخلوقات à chaque instant il regarde toutes les créatures فلا تحجبه البنايات il n'est pas ou il ne peut être gêné par les constructions ولا تختلط عليه اللغات واللهجات et il ne confond pas les langues et les dialectes ولا تشغله حاجة عبد عن باقي الحاجات et l'affaire personnelle d'une créature ne peut pas lui faire oublier les autres affaires. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال أو كتب الحسنات والسيئات. Il a inscrit les bonnes et les mauvaises actions. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. Celui qui a l'intention de faire une bonne action et après il ne la fait pas, Dieu lui inscrit cela comme une bonne action entière. وإن هم بها بالحسنة فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. Et lorsque on a l'intention de faire une bonne action et après on l'a fait, Dieu nous l'inscrit comme 10 bonnes actions jusqu'à 700 fois plus ou même plus que cela encore. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. Mais lorsque l'individu a l'intention de commettre une mauvaise action et après il ne la fait pas, Dieu la lui inscrit comme une bonne action entière. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة فقط. Et lorsque l'individu a l'intention de commettre une mauvaise action et par la suite il l'a fait, Dieu l'inscrit comme une seule mauvaise action, muttafaqun alayh, unanimement authentique. Ya Rab, dhunubi in fakkartu fiha kathira, wa rahmatu rabbiya min dhunubiya awsa'u, wa rahmatu rabbi min dhunubiya awsa'u, huwa Allahu. مولاي الذي هو خالقي وإني له عبد أذل وأخضع وما طمعي في صالح قد عملته ولكنني في رحمة الله أطمع وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et digne de confiance. سأله الصحابة عن أكثر ما يدخل الناس الجنة. Les compagnons l'ont interrogé par rapport à la chose qui fait entrer le plus les gens dans le paradis. قال تقوى الله وحسن الخلق. Il a répondu que cette chose n'est que la piété de Dieu et le bon comportement, la haute moralité. وسألوه عن أكثر ما يدخل الناس النار. Et on l'a interrogé par rapport à la chose qui fait entrer le plus les gens dans l'enfer. فقال, il a répondu, الفم والفرج. Il a répondu la bouche et le sexe. Ça veut dire commettre l'adultère. رواه الترمذي. Rapporté par l'imam الترمذي. سيدي أبا الزهرائي. لي فيك يا أرض الحجاز حبيب للعيون نور وللقلوب طبيب في الأرض أحمد في السماء محمد عند الإله مقرب محبوب صلى الله عليك يا سيدي Ya Amir al-Anbiya, que les prières de Dieu soient pour toi, ô maître des prophètes, عدد نجوم السماء, au nombre des étoiles du ciel, وعدد رمال الصحراء, et au nombre des sables du désert, وأولاد آدم وحواء, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد, أيها الإخوة والأخوات في الإسلام, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, أحباب الحبيب محمد المصطفى, très cher au bien-aimé Mohammed al-Mustafa, alayhi afdal الصلاة وأزكى السلام, pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. إننا اليوم في عيد المعراج, يعني جيراننا وأصدقاؤنا المسيحيون يحتفلون اليوم الجمعة بعيد المعراج. Aujourd'hui, nos amis, nos voisins, les chrétiens, célèbrent la fête de l'Assomption. وهو عندهم معراج مريم عليه السلام. Et chez eux, il s'agit de l'Assomption de Marie. Prière et salut sur elle. هذا العيد صار لهم عيدا منذ 1950, يعني منذ 61 سنة اختاره البابا عيدا للمسيحيين, يعني 15 غشت. Cette fête a été décrétée comme telle en l'an 1950, ça veut dire depuis 58 ans, يعني منذ 58 سنة. Et c'était choisi par le pape à l'époque. فالأعياد عند غيرنا من صنع البشر. Les fêtes chez les autres sont une invention humaine. والأعياد عندنا من صنع خالق البشر سبحانه وتعالى. Mais les fêtes chez nous les musulmans sont un ordre ou une prescription divine et à l'époque de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. نحن نحترم ونقدر اعتقادات وأعياد أصدقائنا المسيحيين. Nous, on respecte les croyances et les traditions et les fêtes de nos voisins et de nos amis les chrétiens. ولكن هذا لا يمنع أن نقول ما نظن الصواب. Mais ceci ne nous empêche pas de dire ce qu'on pense juste. لأن مريم ليست فقط للمسيحيين. Parce que Marie n'appartient pas uniquement aux chrétiens, ولكن مريم تنتمي كذلك ولها مكانة في قلوب المسلمين. Mais Marie appartient aussi, il y a une grande place dans les cœurs des musulmans. مريم عندنا الصالحة الكبرى. Marie représente chez nous la plus grande vertueuse. فهي المرأة الوحيدة التي ذكر القرآن اسمها في القرآن. Parce qu'il s'agit de l'unique dame que le Coran a cité son nom, que Dieu a cité son nom dans son livre, le Coran. ففي الإسلام عندنا لا يوجد ما يسمى بمعراج مريم. En islam, chez nous les musulmans, il n'existe pas une chose qui s'appelle l'ascension de Marie. عندنا معراج عيسى عليه السلام. Il existe chez nous l'ascension de Jésus, prière et salut sur lui. عندنا معراج محمد صلى الله عليه وسلم. Chez nous, il existe l'ascension de Mohammed, prière et salut sur lui. والسماوات كلها مملوءة. Et tous les cieux sont remplis, sont pleins par des prophètes hommes. يعني مملوءة برسل وأنبياء. ولم تبقى هناك سماء في الإسلام لامرأة اسمها مريم عليها السلام. Et il ne reste plus ou il n'existe plus un ciel dans lequel peut être Marie, prière et salut sur elle. وكذلك إننا في فصل الصيف. En même temps, on est dans la saison d'été. في هذا الفصل, dans cette saison, يقل الصلاح والفضيلة. Dans cette saison d'été, la vertu et la haute moralité auprès des gens diminuent. وَيَكْثُرُ الْفَسَدُ وَالرَّذِيلَ. Et dans cette saison, les gens commettent plus de corruption et d'immoralité. وبهاتين المناسبتين يا سي دو اوكازيون l'occasion de la grande vertueuse Marie et l'occasion de cette saison il y a moins de vertu j'ai choisi de vous parler aujourd'hui d'un grand vertueux en islam اخترت لكم اليوم ان اكلمكم عن صالح من كبار الصالحين في الاسلام حتى يعطينا دروسا في الصلاح afin que ce vertueux nous donne des leçons dans le domaine de la vertu. سنعيش اليوم مع حوار. On va vivre aujourd'hui un dialogue دار بين الأستاذ وتلميذه qui a eu lieu entre le maître et son élève. بين الشيخ ورفيقه entre le maître et son compagnon, entre le شيخ et son compagnon. الأستاذ هو شقيق البلخي. Le maître s'appelait شقيق البلخي والتلميذ هو حاتم الأصم. Et l'élève n'était que Hatem le sourd. Et il n'était pas sourd, mais c'était un surnom pour lui. يعني لم يكن أصم من لا يسمع ولكن لقب بالأصم. توفي حاتم في القرن الثالث الهجري يعني القرن التاسع الميلادي. Il a été décédé, ce grand vertueux, dans le siècle 3 de l'Égypte et dans le 9e siècle après Jésus, prière et salut sur lui. وهو من كبار الصالحين في هذه الأمة الإسلامية. قال حاتم أتمدي ما من صباح إلا والشيطان يقول لي. Il n'y a pas un jour, il n'y a pas un matin qui se lève sans que Satan me dise. ماذا تأكل يا حاتم؟ Que vas-tu manger, ô Atem? ماذا تلبس يا حاتم؟ Que vas-tu porter comme habit, ô Atem? وأين تسكن؟ Et que vas-tu ou où vas-tu habiter aujourd'hui, ô Hatim? يعني الثلاث أسئلة التي تقع لنا جميعا المأكل والملبس والمسكن. كل الناس تفتش عن هذه الثلاثة. فأقول له et la réponse d'Atem à Satan était, je lui disais اليوم آكل الموت. Aujourd'hui, je vais manger la mort. يعني أفكر في الموت. Il pense à la mort. وألبس الكفن. Aujourd'hui, je vais m'habiller du linceul. وأسكن القبر. Et aujourd'hui, je vais habiter dans ما tombe. يعني هكذا يعني حلة المشاكل. Ainsi, tous les problèmes sont résolus. هكذا كان ينتصر على الشيطان في كل صباح. Ainsi, il sortait victorieux chaque jour devant ou chaque matin devant Satan. سنتعلم اليوم من حاتم درسا في الأخلاق وفي العمل. Aujourd'hui, on va apprendre auprès de notre maître Atem un cours dans le domaine de la morale et dans le domaine de la pratique. في زمن ضاعت فيه الأخلاق, dans une époque où le bon comportement, la haute moralité est devenue absente, وضاعت فيه المعاملات, dans une époque où les bonnes conduites ou les bonnes œuvres sont devenues aussi absentes. لماذا؟ Pourquoi? لأن الناس التهوا بالدنيا والنساء والشهوات. Parce que les gens d'aujourd'hui se sont préoccupés par la vie ici-bas, par les femmes et par les passions et les désirs. ونسوا طاعة رب الأرض والسماوات. Et en même temps, ils ont oublié l'obéissance au Seigneur des cieux et de la terre. قال الأستاذ, le maître dit, منذ كم صحبتني يا حاتم؟ Depuis quand tu es devenu mon compagnon, ô Atem? فأجاب التلميذ, منذ 33 سنة. L'élève Atem a répondu, depuis 33 ans. فقال الأستاذ, le maître dit, فماذا تعلمت مني في هذه المدة؟ Qu'as-tu appris auprès de moi pendant cette période, 33 ans? قال حاتم, Atem a répondu, 8 مسائل, 8 points. قال له شيخه, son maître lui dit, إنا لله وإنا إليه راجعون. Nous appartenons tous à Dieu et c'est vers lui que se fera notre retour. ذهب عمري معك. J'ai perdu ma vie avec toi. ولم تتعلم إلا 8 مسائل. Et tu n'as appris de chez moi que 8 points. قال حاتم, Atem répondit, يا أستاذ, ô maître, لم أتعلم غيرها. Je n'ai pas appris plus. وإني لا أحب أن أكذب. Et je n'aime pas mentir. فقال الشيخ هات هذه الثمان مسائل. Le maître lui dit, dis-moi, apporte-moi, cite-moi les huit points. قال حاتم, Hatem dit, الأولى, le premier, رأيت الناس في شك من أمر الرزق. J'ai vu, j'ai observé les gens qui doutent en ce qui concerne la subsistance. كل واحد منهم يطلب الطعام فيذل فيه نفسه. Chacun demande, cherche sa subsistance, cherche son repas, et parfois même il s'humilie pour avoir ce repas. ويدخل ويدخل فيما لا يحل له. Et parfois il se mêle des choses qui ne lui sont pas permises. ثم نظرت إلى قوله تعالى. Et après j'ai regardé le verset dans lequel Dieu dit. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Il n'est point d'être vivant sur terre, si petit soit-il, dont la subsistance n'incombe à Dieu. فعلمت أني واحد من هذه الدواب. Et j'ai compris que je suis un parmi ces êtres vivants, التي على الله رزقها, dont la subsistance est prise en charge par Dieu. فاشتغلت بمال الله تعالى عليه. Et je me suis préoccupé par les droits de Dieu sur moi. وَلَمْ أَشْغَلْ قَلْبِي بِمَا تَكَفَّلَ بِهِ الْقَوِيُّ الْمَتِينَ. Et je ne suis pas au jeûné. Je n'ai pas rempli mon cœur par les préoccupations pour lesquelles Dieu subhanahu wa ta'ala ou que Dieu subhanahu wa ta'ala a pris en charge. فَقَالَ لَهُ شَيْخُهُ. Son maître lui dit, أَحْسَنْتَ يَا حَاتِمْ. Son maître lui dit, bravo Hatem, tu as bien fait ou t'as bien fait au Hatim. فكلنا نقرا هذه الايه. Nous tous on lit ce verset coranique. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. Je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. ما اريد منهم من رزق. Je ne leur demande aucune subsistance. وما اريد ان يطعمون. Et je ne leur demande pas de me nourrir. Inna Allah huwa ar-Razzaq, subhanahu wa ta'ala. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. C'est Dieu par excellence qui pourvoit à toute subsistance, lui le détenteur de la force et le tout-puissant. Kulluna qara'a hadhihi al-aya. Chacun de nous a écouté ou a lu ce verset coranique. ولكن قليل منا من يعمل بها. Mais sont peu nombreux les gens parmi nous qui la mettent en pratique. فاشتغلنا بالرزق ولو من طريق حرام. Nous nous sommes préoccupés par la recherche de la subsistance, même par le biais d'un chemin interdit. وتركنا العبادة التي من أجلها خلقنا الله. Et nous avons délaissé l'adoration, cette adoration pour laquelle Dieu nous a créés. الثانية يا حاتم. Le deuxième point au Hatim. قال, il a dit, رأيت الناس. J'ai observé les gens. كل واحد يحب صديقا. Chacun aime un ami. Au minimum un ami. Il y a des gens parmi nous qui ont des centaines d'amis. كل واحد يحب صديقا. Chacun aime beaucoup un ami. فهو مع صديقه إلى قبره. Et il est toujours à côté de son ami jusqu'à sa tombe, jusqu'au jour où il entrera dans sa tombe. فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْقَبْرِ. Et lorsqu'il arrive à sa tombe, فَارَقَهُ. Il l'abandonne. C'est-à-dire son ami se sépare de lui. فَجَعَلْتُ صَدِيقِي الْعَمَلْ الصَّالِحِ. Raison pour laquelle j'ai fait des bonnes œuvres, mon unique ami. فَإِذَا دَخَلْتُ الْقَبْرَ. Comme ça, lorsque j'entrerai dans ma tombe, دخل صديقي معي ليدافع عني. Mon compagnon, mon ami, les bonnes œuvres, entrera avec moi afin de me défendre. فقال له أستاذه أحسنت يا حاتم. Et son maître lui dit, bravo, ou bien tu as bien fait au Hatim. كلنا سمع هذا الحديث. Chacun de nous a écouté ce hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et sur lui dit, يتبع الميت ثلاثة. Trois suivront le mort. أهله, ses proches. ماله, sa fortune. وعمله, et son œuvre. فيرجع اثنان. Deux reviendront. ويبقى واحد restera uniquement un seul يرجع أهله وماله ses proches et sa fortune reviendront comme ça les proches vont se partager la fortune ويبقى عمله et restera avec lui uniquement son œuvre متفق عليه unanimement authentique سمعنا هذا الحديث nous avons bien entendu ce hadith وقليل منا من يعمل به et peu nombreux sont les gens parmi nous qui le mettre en pratique. Et takhadna jami'a anwa'i al-asdiqa. Nous avons noué toutes sortes et toutes formes d'amitié. Wa ahmalna sadaqat al-amal al-salih. Mais nous avons négligé l'amitié avec les bonnes œuvres. Alladhi la yufariquna walaw ba'da al-maut, cet ami qui ne se sépare pas de nous même après la mort. الثالثة يا حاتم le troisième point au حاتم قال il dit رأيت الناس j'ai observé les gens لي يعني سبحان الله كان باحث كان عالم لكل واحد منهم عدوا et lorsque j'ai observé les gens j'ai trouvé que chacun d'eux a un pire ennemi a un grand ennemi فنظرت فإذا عدوي هو الذي يدفعني إلى معصية الله. Et j'ai réfléchi et j'ai trouvé que mon unique ennemi est celui qui me pousse à la désobéissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le vrai ennemi. Il a dit, قال إبليس إبليس Satan le premier Satan c'est mon ennemi. النفس mon ego mon âme c'est mon ennemi. الهوى mes passions et mon désir wa ad-dunya et la vie ici-bas quatre ennemis arba'at a'da fattakhadtuhum a'da et je les ai pris comme des pires ennemis li'anna Allah shahida 'alayhim bidhalik parce que Dieu les a reconnus comme tels wa taraktu 'adawat an-nas ghayrihim et j'ai abandonné toute inimitié des autres. فقال له أستاذه son maître lui dit أحسنت يا حاتم tu as bien fait au حاتم أيها الإخوة والأخوات mes frères et mes sœurs قال الله لنا في القرآن الكريم Dieu nous dit dans le Saint-Coran في آية كريمة dans un verset coranique إن الله يتكلم معنا c'est Dieu qui parle avec nous tous إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أمر من الله إخبار وأمر إخبار بأن الشيطان عدو وأمر بأن اتخذه عدوا إن يا عبادي إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا Satan est pour vous un ennemi prenez-le comme ennemi وقال تعالى لنا et Dieu nous a dit dans un autre verset coranique إن النفس لأمارة بالسوء l'âme où l'ego est vraiment instigatrice de mal. وَقَالَ اللَّهُ لَنَا Et Dieu nous a dit dans un autre verset, فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا Ne soyez surtout point séduits par la vie ici-bas. وَقَالَ لَنَا فِي الرَّابِعَةِ Et il nous a dit dans un autre verset, فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى يَا عِبَادِي لَا تَتَّبِعُ الْهَوَى Ne suivez pas vos passions. فَهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَ هُمُ الْأَعْدَاءَ الْحَقِيقِيُونَ Donc ce sont ces quatre les vrais ennemis pour chacun de nous. أَمَّا الْإِنْسَانَ الَّذِي يَظْلِمُكَ Tandis que l'homme qui se montre, qui se comporte avec injustice envers toi. أَوْ يُسِيءُ إِلَيْكَ ou bien l'homme ou l'individu qui te fait du mal, ou bien l'homme, l'individu qui t'insulte, en apparence, il s'agit d'un ennemi pour toi. Mais en réalité, pour les gens doués d'intelligence, il s'agit d'un vrai ami pour toi. ولكن صديق لو كنت تفهم لأنه في يوم القيامة parce que le jour de la résurrection سيهديك من حسناته le jour de la résurrection il va t'offrir de ses bonnes actions هذا الذي يعطيك في يوم القيامة هذا عدو Là, هذا صديق. Celui qui te donne le jour de la résurrection, il te donne de ses bonnes actions, il te donne de son pèlerinage, de sa prière, de son jeûne. Ce n'est pas un ennemi, c'est un ami. أو يتحمل عنك من سيئاتك. Ou le jour de la résurrection, il va t'alléger de tes mauvaises actions. Pas une mauvaise action, il va te dire, je la prends à ta place. Il s'agit d'un ami, même si c'était dans cette vie, ici-bas, en apparence, un ennemi. Arabia, le quatrième point, Ra'aytu an-nas, j'ai observé les gens. Ba'duhum yahqidu ala ba'd, les uns haïssent les autres. Ba'duhum yal'anu ba'dan, les uns maudissent les autres. Wa aslu hadha kulluhu al-hasad. Et l'origine de tout cela se trouve dans la jalousie. ثم نظرت إلى قوله تعالى. Et après j'ai observé, j'ai regardé le verset coranique dans lequel Dieu dit نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. من الذي قام بالقسمة؟ من الذي جعل هذا غنيا وهذا فقيرا؟ من الذي جعل هذا صحيحا وهذا مريضا؟ من الذي جعل هذا قويا وهذا ضعيفا؟ لا أحد فعل من الخلق، الخالق هو الذي فعل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فلا تحقد على أخيك. هو بريء، الله هو الذي أراد، الله هو الذي قام بالقسمة، فاقبل قسمة الله ولا تحسد، ولا تحسد الخلق على ما أعطاهم الله واحمد الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. Dieu dit dans ce verset, c'est nous, c'est-à-dire Dieu, qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie ici-bas. فتركت الحسد, j'ai abandonné la jalousie. واجتنبت الخلق, et j'ai évité les créatures. وعلمت أن القسمة من عند الله سبحانه وتعالى, et j'ai compris que la répartition des subsistances aux autres est faite uniquement par Dieu سبحانه وتعالى. فأحببت الناس كلهم, raison pour laquelle j'ai aimé les gens dans leur totalité, j'ai aimé tout le monde. وَلَمْ أَرْضَ لَهُمْ إِلَّا مَا رَضِيتُ لِنَفْسِي, et je n'ai souhaité pour eux que je, ce que souhaite pour moi-même. فَقَالَ لَهُ أُسْتَاذُهُ أَحْسَنْتَ يَا حَاتِمْ, et son maître lui dit, bravo Hatem. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, إياكم والحسد, méfiez-vous de la jalousie. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب, méfiez-vous de la jalousie, car la jalousie dévore les bonnes actions exactement comme le feu qui dévore le bois sec. رواه أبو داود, rapporté par l'imam أبو داود. أيها الإخوة, يعني تزاحموا يرحمكم الله, املأوا كل الفراغ يرحمكم الله. Mes frères et mes sœurs, serrez-vous au maximum possible et essayez de compléter tous les espaces libres et que Dieu vous bénisse. وقال صلى الله عليه وسلم, et le prophète prière et sage lui dit, لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. L'un de vous n'est vraiment croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Al-Khamis, le cinquième point. Nazartu ila an-nas, j'ai observé les gens. Kull man ma'ahu shay'un lahu qima wa miqdar, rafa'ahu wa hafidha. Chacun qui possède quelque chose qui a une grande valeur, il la protège, ou il la garde bien, ou il prend soin de la chose pour la préserver au maximum possible. ثم نظرت إلى قول الله عز وجل, et par la suite j'ai regardé le verset dans lequel Dieu dit ما عندكم ينفد وما عند الله باق. Ce que vous avez s'épuise et ce que Dieu a est durable. فكلما وقع معي شيء له قيمة ومقدار وجهته إلى الله. Chaque fois maintenant que j'ai quelque chose qui a une certaine valeur, je la donne à Dieu. ليبقى عنده محفوظا, afin que la chose reste préservée auprès de Dieu. فقال له أستاذه أحسنت يا حاتم, son maître lui dit, t'as bien fait au حاتم. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, كم من أغنياء صاروا في قبورهم فقراء, combien de riches sont devenus dans leur tombe des pauvres. Parce qu'ils ont abandonné leur fortune pour les héritiers. Et combien de pauvres sont devenus là-bas des riches. Parce qu'ils ont trouvé dans leur tombe, ils ont trouvé là-bas ce qu'ils ont avancé pendant toute leur vie, ce qu'ils ont donné à Dieu subhanahu wa ta'ala pendant toute leur vie. As-sadisa, le sixième point, nazartu ila an-nas, j'ai observé les gens, كل واحد منهم يعطي عناية كبيرة للمال وهذا الحاصل للمال وللجمال وللنسب. J'ai observé les gens et j'ai trouvé que chacun d'eux donne une grande importance à la fortune, et c'est la réalité d'aujourd'hui, à la fortune, à la beauté et à la lignée. Et par la suite, j'ai regardé le verset dans lequel Dieu dit « Inna akramakum indallahi atqakum, wa laysa aghnakum, wa laysa ajmalakum, wa laysa ansabakum, walakin atqakum. » Les plus nobles, Dieu dit, les plus nobles d'entre vous pour Dieu sont les plus pieux et non pas les plus riches et non pas les plus beaux ou non pas ceux qui appartiennent à la meilleure lignée. فَعَمِلْتُ عَلَى التَّقْوَى. Et j'ai œuvré selon la piété, j'ai essayé d'améliorer ma piété, حَتَّى أَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ كَرِيمًا. Ainsi je deviendrai auprès de Dieu un noble. فَقَالَ لَهُ أُسْتَاذُهُ أَحْسَنْتَ يَا حَاتِمْ. Son maître lui dit, bravo Hatem. السَّابِعَة, le septième point, نَظَرْتُ إِلَى النَّاسِ, j'ai observé les gens. كُلَّ وَاحِدٍ مُتَوَكِّلْ عَلَى مَخْلُوقٍ. Chacun d'eux est en train de s'en remettre à une créature. Chacun compte sur un autre. Hada ala bay'atihi, celui-ci compte trop sur sa ferme. Wa hada ala tijaratihi, l'autre compte sur son commerce. Wa hada ala sina'atihi, celui-ci compte trop sur son industrie. Wa hada ala sihhati badanihi, et l'autre compte trop sur la bonne santé de son corps. Wa kullu makhluqin mutawakkil ala makhluqin mithluhu. Et chaque créature s'en remet ou s'en est remis à une autre créature comme elle. Thumma nadartu ila qawlihi ta'ala. Et par la suite, j'ai regardé le verset dans lequel Dieu dit wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuhu. Celui qui s'en remet à Dieu, Dieu lui suffit. Pourquoi s'en remettre à des créatures lorsqu'il y a en même temps un grand créateur? فَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْخَالِقِ وَتَرَكْتُ الْمَخْلُوقَاتِ. Ainsi je m'en suis remis au créateur et j'ai abandonné les créatures. فَقَالَ لَهُ أُسْتَاذُهُ أَحْسَنْتَ يَا حَاتِمْ. Bravo Hatem, son maître lui dit. الثَّامِنَةُ وَالْأَخِيرَةُ, le huitième et dernier point. يَقُولُ حَاتِمْ, Hatem dit, نَظَرْتُ إِلَى النَّاسِ, j'ai observé les gens. كُلَّ سَاكِنٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُفَارَقَةِ مَسْكَنِهِ. Chaque habitant est obligé un jour de quitter sa demeure, de quitter sa maison. وَأَنَّ مَصِيرَ كُلَّ سَاكِنٍ إِلَى الْقَبْرِ. Et chaque habitant aura comme destin la tombe. فَحَاوَلْتُ قَدْرَ الْإِمْكَانِ تَزْيِينَ ذَلِكَ الْمَسْكَنِ الْجَدِيدِ. Et j'ai fait tout mon possible afin de décorer, afin d'embellir cette nouvelle demeure qui est la tombe. الَّذِي مَا وَرَاءَهُ إِلَّا الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ. Sa demeure après laquelle se trouve soit le paradis ou l'enfer. فَقَالَ لَهُ أُسْتَاذُهُ أَحْسَنْتَ يَا حَاتِمْ. Son maître lui a dit pour la huitième fois de suite, bravo Hatem, يَكْفِيكَ ذَلِكَ, cela te suffit, ça veut dire les huit points. وَعَمَلْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَوْتِ, et persévère et continue ainsi, ça veut dire à appliquer ces huit points jusqu'à la mort. فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي عُلُومِ التَّوْرَاتِ, parce que j'ai vu dans la science contenue dans la Torah, dans les évangiles, وَالْإِنْجِيلِ وَالْزَّبُورِ, et dans le psautier de David, وَالْفُرْقَانِ الْعَظِيمِ, et j'ai vu la science contenue dans le Saint Coran. فَوَجَدْتُ جَمِيعًا أنواع الخير والديانة تدور على هذه الثمان مسائل. Et j'ai trouvé, j'ai conclu que toute forme de bien ou tout type de bien ou de religiosité se base ou a pour base ces 8 points. فَمَنِ اسْتَعْمَلَهَا فَقَدْ اسْتَعْمَلَ الْكُتُبَ الْأَرْبَعَ Celui qui œuvre selon ces 8 points aura œuvré selon les 4 livres. رَبَّمَا يعني يقول إنسان أو حاتم رضي الله عنه عاش في القرن الثالث للهجرة Athènes, que Dieu soit satisfait de lui ou que Dieu l'englobe de sa clémence et miséricorde, a vécu dans le troisième siècle. وَلَمْ يَقُلْ مَا نَقُولْ نَحْنُ الْيَوْمِ Il n'a pas dit ce que nous on répète aujourd'hui. يعني الصحابة كانوا صالحين رضوان الله عليهم ولكن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. Les compagnons étaient vertueux, mais ils étaient avec le prophète, à l'époque du prophète, prière et salut sur lui. وأنا بعيد من النبي بثلاث قرون. Et moi je suis loin de l'époque du prophète de 3 siècles. Je ne peux pas faire le bien. Je ne peux pas imiter les compagnons et le prophète, mais je vais imiter mes voisins. Et les gens qui m'entourent, les gens de mon époque qui font le mal et qui oublient le bien. Là, عمل بما وجد في القرآن وصار من كبار الصالحين. Plutôt, il a œuvré selon le Coran, il est devenu parmi les grands vertueux. وأنا وأنت وأنت يا أخي ويا أختي. Moi, toi, frère ou toi, sœur. On doit faire comme Athem. On ne doit pas dire il y a 14 siècles qui nous séparent du prophète, prière et salut sur lui. Les gens autour de nous ne font que du mal. On doit faire comme tout le monde, mais plutôt mes frères et mes sœurs, on doit suivre le Coran, même si on est séparé de 14 siècles, et on doit suivre le prophète, prière et salut sur lui, et on sera, si Dieu le veut, Inch'Allah, parmi des vertueux comme Athem et comme d'autres. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله أيها الإخوة والأخوات تزاحموا مرة أخرى يرحمكم الله حاولوا أن تملأوا كل الأماكن الفارغة essayez mes frères et mes sœurs de vous serrer encore plus essayez de compléter ou remplir toutes les place libre et que Dieu vous bénisse wa barakallahu fikum. Inna al-yawm amama laylat an-nisf min Sha'ban. On est aujourd'hui mes frères et mes sœurs face à la nuit de la moitié de Sha'ban. Layla mubaraka, une nuit bénie. Mawjouda fi hadha ash-shahr al-mubarak, shahr Sha'ban, qui se trouve dans ce mois béni qui est Sha'ban. Taqul Aisha radiyallahu anha. Aisha, que Dieu soit satisfait d'elle, dit قام رسول الله صلى الله عليه وسلم le messager de Dieu, prière et salut sur lui, se leva فصلى et il a prié فأطال السجود et il a fait une longue prosternation, il est resté longtemps dans la prosternation حتى ظننت أنه قبض jusqu'au point que j'ai cru ou j'ai pensé qu'il a rendu l'âme. فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه. Lorsque j'ai vu cela du prophète, je me suis levé jusqu'au point que j'ai fait bouger son doigt, son pouce. فتحرك et le doigt a bougé. فرجعت et je suis revenu. Ça veut dire elle a compris qu'il est toujours vivant, prière et salut sur lui. فهمت بأنه حي صلى الله عليه وسلم. وهذا في بعد منتصف الليل. Ceci après minuit. يصلي يسجد يتكلم مع الله. Il prie, il se prosterne après minuit et longtemps il parle avec Dieu dans la prosternation. فسمعته يقول et je l'ai entendu dire dans sa prosternation في سجودي أعوذ بعفوك من عقابك. Je me protège par ton pardon contre ta punition ou contre ton châtiment. Le prophète dans la nuit après dans le cœur de la nuit, il parle avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, أعوذ بعفوك من عقابك. Oh Seigneur, je me protège par ton pardon contre ta punition. وأعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ برضاك من سخطك. Et je me protège par ton agrément, par ta satisfaction contre ta colère. وأعوذ بك منك يا الله. وأعوذ بك منك إليك. Et je me protège par toi contre toi-même. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Je ne peux jamais dire tous les compliments, toutes les éloges que tu mérites, mais plutôt tu es comme tu t'es complimenté, ou tu ressembles, ou tu es à l'image des éloges que tu t'es faite pour toi-même. فلما رفع رأسه من السجود, lorsqu'il a levé sa tête, la prosternation, وفرغ من صلاته, et il a achevé, il a fini sa prière, قال صلى الله عليه وسلم, il dit prière et salut sur lui. يا عائشة, ou عائشة, ou يا حميراء, ou bien ô brunette, أظننت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خاس بك. As-tu compris ou as-tu cru ou pensé que le prophète, prière et salut sur lui, t'a trahi? يعني في في ليلتك تركك وذهب عند امرأة أخرى. ظننت هذا. C'est-à-dire, tu as pensé que le prophète t'a trahi pendant ton tour, la nuit de ton tour, il t'a abandonné et il est parti chez une autre de ses femmes. قلت, j'ai dit, ça veut dire Aïcha, la wallahi ya Rasoul Allah. Non, par Dieu, au messager de Dieu, par Dieu, au messager de Dieu, que non. Walakinni vanantu annaka qubitta li tuli sujudik. Mais plutôt, j'ai cru ou j'ai pensé que, à cause de ta longue prosternation, t'as rendu l'âme. Faqala, il a répondu, prière, Isaïe sur lui. Atadrina ayyu laylatin hadihi, sais-tu quelle nuit ou de quelle nuit s'agit-il? Ça veut dire, en ce moment-là, قلتو الله ورسوله أعلم. J'ai répondu, c'est Dieu et son messager qui savent. قال هذه ليلة النصف من شعبان. Il a dit, il s'agit de la nuit de la moitié de شعبان. رواه البيهقي, rapporté par l'imam البيهقي. وفي رواية أخرى, dans une autre version, قال صلى الله عليه وسلم, il a dit prière et salut sur lui, يطلع الله إلى جميع خلقه, Dieu regarde toutes ses créatures, ليلة النصف من شعبان, pendant la nuit de la moitié de شعبان, فيغفر لجميع خلقه, et il pardonne à toutes ses créatures, إلا sauf les mushrikin, sauf à un associateur, أو مشاحن, ou un مشاحن. Ce مشاحن, يعني مشاحن هذا الذي عنده قطيعة. مشاحن, c'est celui qui a marqué une coupure, عداوة, il a une inimitié, له حقد, il a une grande haine, مع إنسان آخر, avec un autre individu. Celui-ci ne mérite pas l'absolution, le pardon de Dieu, parce qu'il a coupé avec un autre, parce qu'il a la haine contre un autre musulman qui est son frère, ou une autre musulman qui est sa sœur. يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه الإمام الطبراني وابن حبان, rapporté par l'imam الطبراني et par l'imam ابن حبان, حبان, وروى مثله الإمام أحمد, l'imam أحمد a rapporté un hadith proche de celui-ci. فدرس ليلة النصف من شعبان, donc le cours de la nuit qu'on peut tirer, la conclusion qu'on peut tiré de la nuit, de la moitié de Shaban, le cours ou la leçon est la réconciliation avec les créatures de Dieu. Et Dieu ne fait pas cela seulement ou uniquement dans la nuit de la moitié de Shaban, mais plutôt chaque jour de lundi au jeudi, comme l'a l'imam Muslim, comme l'a rapporté l'imam Muslim dans son authentique. وفقنا الله للعبادة. Que Dieu nous aide à un maximum d'adoration. اللهم إني داع فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية.